c'est la catastrophe pour la coalition Avenir Québec qui a réussi encore à perdre du terrain. Tu sais, à 14%, on se disait, ils peuvent pas reculer, ils peuvent juste remonter. Ben non, ils ont reculé. 13% pour le parti de François Legault qui ne se retrouve qu'avec 3 petits points d'avance sur Québec solidaire à 10%. L'écart entre la CAQ et Québec solidaire est le même que l'écart entre le Parti libéral et le Parti québécois. Oui, exactement. 3%. Exactement. Donc, c'est, gars, c'est la mal, catastrophe. Hein? Là, François Legault, il a beau aller danser avec sa femme à l'émission de Éric Salvaire, que probablement pas grand monde ont vu hier, là, mais tu vois que le gars a plus rien à perdre. Là. Ouais. T'es rendu là, brasse plus que ça. Qu'est-ce que t'as à perdre? Ben, c'est un peu ça qu'il a fait plus. Hier. On va l'écouter sur... Fais-moi attendre la cote sur le référendum. C'est un peu ça qu'il a fait hier. Ouais. Sacrez-moi patience avec ce sujet-là. Les Québécois veulent pas en entendre parler, là. Monsieur Couillard, Madame Marois sont vraiment sur une autre planète. Il y a juste eux deux qui parlent de ça au Québec. Sacrez-moi patience. J'ai jamais entendu parler comme ça, là. Ouais. François Legault, là. Mais, force est d'admettre que même si personne veut en parler, c'est encore ça qui fait le plus réagir les voteurs. Oui. Qui ferait le meilleur premier ministre du Québec? Couillard est numéro 1 à 27%. Tout juste devant Pauline Marois, 26%. Legault, 14%. Françoise David, 7%. Comment tu fais pour dire, moi, c'est mon choix, c'est Françoise David? Aïe, aïe. C'est sûr que, hein, on la trouve tellement gentille aussi dans les débats. Tu sais, on n'aime pas la chicane au Québec, là. Fait quand, elle chicane pas, elle parle pas trop fort, on l'aime. Mais tu peux pas. C'est un communiste. Tu peux pas dire ça autrement que pour l'encourager, comme tu donnes à UNICEF quand les petits-enfants passent leur loi. Ouais, parce qu'elle fait tu peux pitié, pas, mais... tu peux pas espérer pour vrai que Françoise David devienne première ministre. Parce qu'il y en a qui font juste regarder le ton qu'elle emploie. Tu sais, dans les débats, elle est toujours plus calme oui. que les autres. Puis elle a posé. Puis les Québécois n'aiment pas la chicane. Elle vend beaucoup mieux Québec solidaire qu'un radical dangereux comme Amir Kadir. Ça, ouais, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Fait que, donc, elle est à 7%.